Bonjour et bienvenue tout le monde à cette 736e émission de Skypunka en ce dimanche 3 février 2019. C'était Comitant Sect avec la chanson « Moi tu sais », pièce qui est extraite de leur plus récent mini-album sorti sur Baldy Sound Records en 2016 et qui s'appelle « D'une même voix ». Puis la chanson « Moi tu sais », eh bien, c'est une chanson qui est très claire, qui parle bien sûr d'amour. Yeah! Parce que des fois, ça fonctionne, puis d'autres fois, malheureusement, ça chie. Ça fait chier. Mais bon, c'est la vie. Et là, en parlant de vie, on y va avec Lionza et le EP Zonar, version vinyle. Parce que une vie pour rien vinyle, me l'ont envoyé en vinyle. Et puis là, on va l'écouter en vinyle. Donc, on va commencer avec la chanson Zonar, qui sera suivie de Déjà Mort, que j'ai fait jouer la semaine passée, mais c'était la version MP3. Là, c'est la version vinyle. Et puis, après ça, la chanson Angustella. Donc, dans le fond, c'est les trois pièces qui se retrouvent sur le côté A et le côté B du EP Zonar qui viennent sortir sur Une vie pour rien vinyle. Je recommande ça à tout le monde. Vraiment très, très bon vinyle. Là. Puis, ce qui est le fun, je dirais, des autres chansons habituelles de Lionza, ben, c'est que, dans le fond, ce vinyle-là, ben, il est en français au complet. Allez, let's go! Lionza et Zonar! Faut dire, ça fait un moment, tu traînes dans le quartier. Tu cours jour le vent se lèvera. C'est notre tour, putain, allez les gars. Car hier comme aujourd'hui, le mal de vivre c'est plus ta maladie. Voix forte traîne dans la nuit, on trouvera jamais que l'oubli. Pour les parias, les gueules cassées, pour tous ceux qui sont oubliés, pour tous ceux restés en bas, on ne va pas rester là. Pour les maudits, pour les déçus, pour tous ceux qui y ont cru, pour tous ceux restés en bas, on ne va pas rester là. Allez. Les gueules cassées, pour tous ceux qui sont oubliés, pour tous ceux restés en bas, on va pas en rester là. Pour les maudits, pour les déçus, pour tous ceux qui y ont cru, pour tous ceux restés en bas, on va pas en rester là. Pour tous ceux qui sont oubliés, pour tous ceux restés en bas, on va pas en rester là. Pour les maudits, pour les déçus, pour tous ceux qui y ont cru, pour tous ceux restés en bas, on va pas en rester là. On va pas en rester là. On va pas en rester là. Ok, alors c'était Lions là, avec les chansons Zonard, Déjà Mort, ainsi que En Rester Là. Alors, j'espère que vous avez aimé ce bloc spécial sur le tout nouveau EP de la formation Lions Law, EP qui s'appelle Zonard et qui est disponible sur Une Vie Pour Rien Vinyle. Maintenant, on enchaîne en ska avec tout d'abord les Partisans et puis la pièce Marx ainsi que Street Guns. Ces deux chansons-là se retrouvent sur l'album éponyme des Partisans, réédité à la fin de 2018 sur Runs Record. Puis le vinyle, comme je l'ai dit précédemment, il joue bien, puis il est vraiment beau. C'est un beau vinyle orange. Et puis après ça, on va avoir une petite chanson pour les cœurs brisés, là. The Boston Preachers avec 8.6 Days All the Broken Heart, extrait de leur album Greasy Governo. Et puis après ça, on va tomber en oi mélodieux avec The Headliners et la chanson Too Young to Fall in Love. Ça, c'est extrait d'une compilation que m'ont envoyé justement l'étiquette Une Vie Pour Rien Vinyle. Dans le fond, c'est le premier sampler de leur compagnie. Bref. On va entendre, c'est ça, la chanson Too Young to Fall in Love, là. Mais où je voulais en venir avec ce sampler-là, c'est que dans le fond, c'est un très bon sampler de 23 chansons qui réunit, dans le fond, plusieurs groupes-là qui se retrouvent sur Une Vie Pour Rien Vinyle. Fait que, ouais, j'ai découvert qu'il y avait pas mal du bon stock sur ça. Allez, let's go, les Partisans avec Planète Marx et puis Street Guns. êtes arrivés. La la la la la la la la la la. She likes him. She says it must be love. He Yeah. Ok, c'était The Headliners avec Too Young to Fall in Love, et tout juste avant eux, on a vu les Partisans avec Planet Max, ainsi que la chanson Street Guns, et puis après ça, on a vu The Barstool Preachers avec 8.6 Days, All the Broken Heart. Et maintenant, on enchaîne avec une chanson qui porte sur le même thème, c'est-à-dire Social Distortion et puis Writing on the Wall, pièce qui est extraite de leur album Hard Time et Nursery Rhymes. Après ça, vous allez avoir Bombardier et la chanson Pour Elle. Pièce que là, en tout cas, j'ai pris justement sur le sampler de Une Vie pour Rien Vinyle. Parce que Bombardier, justement, sont sur Une Vie pour Rien Vinyle aussi. Fait que, tant qu'à y être, hein. Elle est prise sur ça. Juste pour vous montrer justement que c'est une très bonne compile. Puis après ça, eh bien, on va aller faire un tour en Catalogne avec Crime et une chanson qui s'appelle Hivern Eterne. Bref, l'hiver éternel. Mais j'avoue qu'avec l'hiver qu'on a là, je commence à avoir autre que ça en aille. Puis après ça, on va aller en Bretagne avec Shux Bollox et la chanson Attention War, pièce qui se retrouve sur leur split qu'ils ont fait sur Runs Record avec la formation Plutôt Crevé. Allez, let's go, musique! There was a time when you were proud. You looked up to me with big eyes, and I could do no wrong. There's something inside that's clearly tearing both of us apart. Ooh, there's something inside. Wonder where you are tonight, and what you did with your day. Can't find the words to say. Did you feel the sun? Did you feel the warmness of my heart? Ooh. The good and the bad traits we share. We'll be right back. Ok, alors c'était Shux Bollocks avec la chanson Attention War. Et au début du bloc, on a eu Social Distortion avec Writing on the Wall, Bombardier avec Pourelle, ainsi que Crime avec Evern Etern. Et puis là, on s'en va en folk punk avec tout d'abord Arish Moutarde et la chanson de Poison Trail, ainsi que À la santé de Lucifer. Deux chansons qui se retrouvent sur leur plus récent album qui s'appelle Perdition ou Perdition. Parce que dans le fond, il y a quasiment autant de chansons en français qu'en anglais sur le nouvel album d'Arish Moutarde. Ouais, question à poser à eux autres, ça. Et puis, ouais, hey, Arish Moutarde, ils ont comme une mini tournée pour la Sainte-Pâte, là. Dans le fond, ça va commencer, ça, le 8 mars. Au Saguenay, au cabaret des artistes. Après ça, à Sherbrooke, ils sont au bar le Magog. Ça, c'est le 9. Le 14, ils sont à Rimouski, au Baromètre. Le 15, ils sont à Thetford Mine. Après ça, le 16, ils sont à Ottawa. Le 17, c'est à Montréal. Et puis là, pour Montréal, il faut que je change de publicité. OK, je l'ai ici. Alors, pour Montréal, ils vont jouer au ministère avec les formations Captain Revolt, Les Messieurs, et puis Slater et Fils. Ouais. Donc ça, c'est à Montréal le 17 mars. Puis après ça, pour le reste de la tournée, on va aller voir sur l'autre flyer. Là. Le 22, ils sont à Saint-Georges. Le 23, ils sont à Québec, au bar Lanty. Le 29, à Sept-Îles, à la Petite Grenouille. Et puis le 30, ils sont à Baie-Comeau, à la Petite Grenouille aussi. Bref, très bonne petite tournée qui s'en vient pour les membres d'Arish Moutarde. Et... c'est ça. Alors après, Arish Moutarde, on va y aller avec Fire Next Time et la pièce de leur tout nouveau vidéo qui s'appelle Party Fool, pièce qui se retrouve sur leur album qui s'appelle Knife, sorti en 2018 sur Stomp Record. Et puis après ça, on va clore le prochain bloc avec The Tossers et la pièce Where the Beer and Whiskey Flow, extrait de leur album sorti en 2013 qui s'appelait Emerald City. Allez! Let's go, musique, et ça commence avec Arish Moutarde et les deux chansons de Poison Trail et puis À la santé de Lucifer. Last night I met the devil, he pulled me up a chair. Whiskey, gin and bourbon, we drank together there. I offered him a cigarette between our poison veil. The bastard took me for a ride on the poison trail. Want me to map for where I'm going? The devil is shall guide me. Yes, I'm on the poison trail in the fields of hops and barley. And while it's feeling lighter, I joined on my electric. The devil's liquid candy in the bottleneck. The way his liquor hits me, it never seems to fail. I need a way out of my mind on the poison trail. Want me to map for where I'm going? The devil is shall guide me. Yes, I'm on the poison trail in the fields of hops and barley. Hey! Hey! Serving claret and they feed me liquid bread. The devil, yeah, he wants me. He laughs at what I've said. I draw in one more smoky breath. My stomach aches now. I left my mind and kiss behind for the poison trail. I crit the wheels, I bleed, the drink dancing in my head. Driving down Fitzgibbon tard, je n'ai plus peur de montrer d'où je viens. Mon frère, je défends de mes poings, le célèbre de tant moins. We'll be right back. départ, c'était The Tossers avec Where the Beer and Whiskey Flow. Et au début du bloc, on a eu Arish Moutarde avec The Poison Trail, ainsi que À la santé de Lucifer. Puis après ça, on avait eu Fire Next Time avec Party Fool. Maintenant, on enchaîne avec quelques nouveautés, dont tout d'abord la Inquisition et la chanson Final. Pièce qui se retrouve sur leur tout nouvel album, qui s'appelle LVX. Fait que ça nous vient là, d'Espagne, là, ce groupe-là. Donc, très bon groupe, Oi. Puis après ça, eh bien, on va avoir de Montréal Ultra Radio avec Les Incompris. Pièce extraite de leur album éponyme, sorti à la fin de l'année passée sur Primator Crew. Là. Ben, il est aussi sorti sur Foreign Legend, mais bon, bref, c'est la version Primator Crew que j'ai. Fait que on écoute la version de Primator Crew. Et après ça, on va avoir Doug and Slug, puis la pièce Power in Numbers. Ça, c'est une chanson qui se retrouve sur un EP de ce groupe-là qui s'appelle Just Another Battle. Et puis après ça, eh bien, on va avoir une nouveauté de Tim Armstrong. Eh oui, c'est parti un nouveau groupe là, qui mixe le punk et le reggae. La formation Landfill Crew. Donc, on va entendre la pièce Landfill Crew ainsi que Poets in the Night. Et ça va sortir prochainement là, sur Pirate Press Record en 7 pouces. Fait que surveillez ça. Allez, let's go, musique. Et on commence, comme je l'ai dit tantôt, avec la Inquisition et la pièce finale. Allez, let's go. Rocking kids from rocking. off it change your name, things off it change, huh? Things off it change your name, things off it change. Things off it change your name, things off it change. Things off it change your name, things off it change. Long in a decade time when me born and grow. Love tribulation, I'm on now. Well if I hungry belly picking it out a door. Lord me I tell you say no money no flow. Just send him blessing and them rise we up. Hopes and they get to go rise up. Money in him pocket and you know him no broke. The fantasy mission and you know we no stop. Get to people you have to rise up. Get to your man you have to rise up. Get to your man you have to live it up. One of them need and almost get bigger. Ok, alors c'était Landfill Crew avec la chanson Poets in the Night. Et au début du bloc, on avait eu la Inquisition avec la chanson Final, Ultra Razia avec les Incompris, ainsi que Doug and the Slug, la pièce Power in Numbers, qui est une pièce reggae, mais normalement, eux autres, ces groupes-là, ils donnent dans la oeille. Puis, c'est vrai, j'avais oublié de le dire tantôt, mais on avait eu la pièce thème du groupe Landfill Crew, c'est-à-dire Landfill Crew. Ouais, avant la dernière qui avait été Poets in the Night. Bon, et là, on va faire un tour en Angleterre avec tout d'abord la formation Tear Up et la pièce Playground Politic, ainsi que Bullock to the Smoking Ben. Ouais, ça, dans le fond, c'est deux chansons qui se retrouvent sur l'album Playground Politic qui est sorti l'année passée. Et c'était un groupe qui donne dans la bonne vieille oeil britannique. Là. Il rend justement hommage aussi à The Business en reprenant la chanson The Real Enemy. Puis leur album contient 12 chansons. Après ça, on va continuer avec Vice Vares et puis la pièce This Is The End, ainsi que Knock Off et puis la chanson 70s TV Cop. Tout cela à Skypunka. Allez, let's go! Ok, alors c'était la formation Knock Off avec la pièce 70s TV Cup. Et puis au début du bloc, on avait eu Tear Up avec Playground Politic ainsi que Bollocks, To the Smoking Ban. Et après ça, on avait eu Vis Varis avec This is the End. Et maintenant, on s'en va aux États-Unis avec The Press et une de leurs pièces reggae. Pièce thème dans le fond du EP Torch, qui est un très beau EP orange, que vous pouvez retrouver sur l'étiquette Eye the Boat Record depuis la fin de l'année passée. Et puis après ça, The Oppress avec Enoch Power ainsi que Fuck Em All. Deux chansons se retrouvant sur l'album compilation Fuck Fascism, This is Anti-Fascist Oi, qui se retrouve sur Mad Butcher depuis cette année, là, fait que depuis quelques semaines. La compilation, dans le fond, qu'ils ont fait avec The Prowlers, The Boys, ainsi que Enraged Minority et puis Camorra. Donc, tous ces groupes-là ont trois chansons. Et, à l'exception de The Oppress, qui en ont quatre. Ouais. Donc, deux au début de chacun des deux côtés du vinyle. Et puis après ça, eh bien, on va y aller avec une autre compilation. La compilation Oi as in Dead 7. Puis on va y aller avec deux groupes qui se retrouvent sur cette compilation-là, c'est-à-dire Savage Beat avec la pièce Revenge, ainsi que The Rippers avec I Had Enough. Allez, let's go! Et on commence avec The Press et puis Torch. Diminish it first to the end. Ok, alors c'était The Rippers avec Have Enough. Et puis au début du bloc, on avait eu The Press avec Torch. The Oppress par la suite avec Enoch the Power ainsi que Fuck 'em All. Et on avait continué avec Savage Beat et la pièce Revenge. Maintenant, il est rendu le temps de se quitter. Et aujourd'hui, on se quitte avec la chanson thème du groupe Hardcore de Trois-Rivières, Insight. Insight qui font un retour sans faire un retour, donc. Un retour en studio, mais ouais, faudrait peut-être attendre pour voir si peut-être il y aurait un retour en show. Mais pour l'instant, tout indique que c'est juste un retour en studio. Mais en tout cas, c'est le fun. Parce que entendre de nouveaux enregistrements de Insight, ben, ça fait plaisir. Puis après ça, eh bien, on va avoir Reducer SF avec Empty Bottle. Pièce qui se retrouve sur la compilation de Pirate Press Records, là, One Family, One Flag, sorti au cours de 2018. Puis, c'est quand même 3 vinyles, cette compilation-là. Fait que, méchant, une bonne grosse compilation. Après ça, bien, on va avoir les jeunes 76 qui sont au Oeilfest de Montréal cette année, dans le cadre de la Sainte-Pat. Fait que, pour eux autres, on va entendre les pièces Into Darkness et puis Kick It Out. Deux chansons se retrouvant sur le mini-album Banner Fall, sorti sur Longshot Music et puis Contra Record en 2017. Et puis, après ça, on va se quitter aujourd'hui avec Bromure et la pièce Ma Lettre, pièce qui se retrouve sur leur album éponyme, sorti à la fin de 2018 sur Insurgence Record. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Pour une autre émission de Skypunk. Allez, bye! It's been a few years now. Still we feel the same. It's been a few years now. I'm not looking at change. feel the need to scream, 'cause there's no gas, corruption and greed. Really, this world, I feel the need to scream, hey, 'cause there's no gas, hey, corruption and greed.